En Corée, tout le pays accorde des aides matérielles au rétablissement des régions nord-sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Le complexe sidérurgique Kimtek a fabriqué des milliers de tonnes de matériaux en fer et en acier, alors que des centrales hydroélectriques dans la province de Jagang ont produit beaucoup plus d'électricité que prévu. La ville de Kaesong a fabriqué beaucoup plus de denrées alimentaires, médicaments, articles de première nécessité et pièces de rechange des matériels roulants. Le ministère de la Santé publique et ses entreprises ont envoyé en urgence un grand nombre de médicaments dans les régions sinistrées. Ils ont terminé avant terme la vaccination chez les habitants sinistrés. Le comité de l'enseignement a terminé la fourniture de plus de 200 000 manuels et références de 248 espèces pour enseignants et enfants en faisant progresser la production des articles scolaires de toutes sortes.